Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et donc notre invité, c'est Marion Mazet d'Orient. Excuse-moi, oui, j'ai inversé les données. Oh, excuse-moi. Je te pardonne. Oh, mais... Vraiment. Oh, tu n'es pas le premier. Oui, pardon. Je sentais que j'allais la faire en plus en préparant l'émission. J'ai me planté à un moment donné. J'ai visé la team. Marion, tu viens nous parler de ton spectacle Pépite du 16 septembre au 31 décembre à la Comédie des Trois Bornes. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait, qu'on en parle après. Cool. Ça vous va? Cool. C'est parti. Par exemple, moi, je voulais monter sur Paris, rentrer au Conflans et devenir comédienne. Bon, pour un Marseillais, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles dans la même phrase. Déjà, le mot Paris, c'est compliqué, hein. Ça siffle, ça grésille, il n'y a plus de réseau, ça passe pas. Pour Florent, quand je lui ai dit, mon père, il croyait que c'était une secte. Et comédienne, alors au début, il a ri, et après, il a commencé une magnifique reprise de volée, comme ça, direct. Bah, dans ma gueule, en fait, hein, comme ça, voilà, que j'ai évité de justesse. Mais papa, t'as pas compris cette école, papa, c'est le top du théâtre, c'est les meilleurs comédiens, papa, c'est la Ligue des champions du théâtre. Là, je savais que je l'avais touché en plein cœur. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu vas faire du théâtre, toi? Y a pas de souci, demain, tu vas faire du théâtre. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est magique, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, à 5h du mat, il m'a sorti du lit, il m'a emmené travailler avec lui sur les marchés. Oh, l'artiste, là, debout, debout, ouvre les yeux, là, voilà, viens ici. Bon, tu vois les planches, là? Hein? Ouais, les palettes. Eh ben ça, c'est ta scène. Vas-y, monte. Voilà, il y a les salades, les pêches et les bananes. La pièce, elle s'appelle « J'ai tout vendu en une heure ». Allez, action. C'est à partir de vendredi prochain, donc. Voilà. Ça c'est s'appelle « Pépite ». Tu peux nous expliquer le titre? Oui, pardon, quelqu'un j'aime beaucoup ton papa. Ah oui, mais les gens l'adorent, ce spectacle. C'est lui la vedette, en fait. Alors, tu peux nous expliquer le titre Pépite? Pépite, alors Pépite, c'est au pluriel, c'est un peu toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait vivre un moment assez fort, que ce soit, voilà, ils m'ont ému, ils m'ont fait rire, ils m'ont touché, ou que ce soit, oui, ce soit des personnes ou des moments qui sont ce qu'on appelle des pépites dans la vie. Joli. Et donc, voilà, c'est un peu une succession de tout ça que je mets en condensé sur une heure. Voilà. Alors, tu es une comédienne très complète. Tu as fait 3 ans de théâtre de rue à Aix-en-Provence. Ouais. Où tu es originaire d'ailleurs. Ah, mais je t'avais donné une pièce une fois, je me rappelle maintenant. Ah, oui, ah bah, vas-y, champion. C'est pas possible. Ah oui. On y a tous cru. Ah, je suis comédien. Ah, comédien. Comédien. Je crois tout ce qu'on me dit. C'est alors... vrai. Oui. Mais tu lui as offert quoi comme pièce? Du Shakespeare. Ah, une pièce de théâtre. Bon, voilà. Une belle pièce. Okay. Allez, tout voilà. Alors, est-ce que voilà. Le théâtre de rue, ça t'a aidé pour le One Man Show? Qu'est-ce que tu as appris avec le théâtre de rue? Écoute, c'était une super expérience. On était une troupe, c'est entre mes 16 et 18 ans, on était une dizaine. Et donc, on répétait un peu tous les week-ends. Et à la fin de l'année, on prenait des tréteaux, on s'installait sur les places de village dans le sud, vraiment, mais de rue, quoi. Et on a monté, voilà, du Molière, on a monté des pièces pour enfants. C'était vraiment chouette. Et donc, voilà, et on se changeait, je me rappelle, à vue. On mettait les loges à vue sur les côtés avec les miroirs sur la place du village. Donc, c'était vraiment chouette. On arrivait avec notre petit camion, on dormait dans les, dans les gymnases, là. Donc, t'avais pris les tréteaux de ton papa, donc on le marquait. Oui, voilà, c'est ça. Et la camionnette aussi. Je restais commerçant, saltimbanque. C'était un truc. Ça reste en famille. Hein. C'est en famille, voilà. Donc, non, franchement, c'était chouette. Ça m'a surtout appris le bonheur d'être en troupe et de créer, quoi, d'être artisan, en fait. Ça, oui, ça, c'était super. D'ailleurs, tu l'as dit, tu as joué des pièces classiques, tu as fait du vaudeville, tu as fait des contes pour enfants, tu as fait du comédie de boulevard. Alors, qu'est-ce qui était le déclic pour revenir tout seul sur scène? Parce que tu l'as dit, tu aimes bien être en groupe. Oui, bah oui, ça c'est vrai que alors j'aime les deux. Clairement, je suis montée sur Paris après mon bac pour me former en tant que comédienne, mais j'avais déjà en tête de faire un seul en scène. Et il m'a fallu 7 bonnes années, on va dire, pour mûrir tout ça. Ouais. Parce que franchement, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté à 18 ans, raconter mes petits malheurs de pauvre lycéenne ou nouvelle étudiante. Je me voyais pas défendre ça. Et donc j'ai un peu vécu, hein. Voilà, la vie, la famille, les amours. Les études, les jobs de merde, enfin la vie, quoi. D'ailleurs, parce qu'il faut le dire, Marion a un master de finance. Oui, oh, bon, ça. Spécialisé dans la production de cinéma. Oui, c'est. Aucun rapport c'est avec le seul en scène. Ce que j'ai fait en parallèle de mes études d'acteur. Pour rassurer mes parents. Ouais. Oui, je ne sais pas si ça les a vraiment rassurés. En cinéma, c'est pas sûr. Je ne sais pas. Non, ils m'ont laissé faire là-dessus, franchement. Ils ont été vraiment trop top. Ils ne savaient pas trop où j'allais, ils m'ont laissé faire. Donc, je me suis un peu formée dans les deux parties. Voilà. Et voilà. Ouais, alors, il faut vraiment aller voir Marion. Moi, j'y suis allée. T'y es allée aussi, Léa. Oui, j'y étais, effectivement. J'y étais à la saison dernière, en juin, je crois, ou en mai. Oui, c'était en... Ouais, c'était super sympa, à la fois émouvant et drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé, je conseille à tout le monde d'y aller. Parce que, faut le préciser, c'est pas un one-man show où c'est la grosse poilade, hein, tu vois. C'est vraiment un seul en scène, tu racontes une histoire. C'est vraiment touchant, en fait. Voilà. C'est là, on va le dire à nos auditeurs, un petit peu la différence entre le one-man show et le seul en scène. Le seul en scène, c'est plus... Il y a une version plus théâtrale. Voilà. Le one-man show, on attend peut-être plus du stand-up. Voilà. Enfin, il y a un côté... Voilà, il y a un peu de tout. C'est la vie, en fait. Dans la vie, des fois on rit, des fois on rit moins. Et en fait, c'est pas moins animé, on va dire. Et ça nous prend quand même. Et t'as un personnage très, très drôle, d'ailleurs, dans Swan. C'est la parisienne un peu connasse. Oui. Tu peux faire la voix un peu de la parisienne connasse. Oui, parce qu'elle parle un petit peu comme ça. Et elle a toujours... Enfin, quelque part, elle a un sourire, mais elle a toujours des trucs horribles qui lui arrivent. Ça finit toujours par des... Oui, c'est à peu près comme ça. Du métro. Effectivement, ce personnage est très, très particulier, très drôle. Oui, ça parle vraiment aux gens. Très juste. Tu vois, ça nous parle. Voilà. Alors, faut aller voir Marion, tu as de très bonnes critiques. Mademoiselle.com a beaucoup aimé. We Love Comedy a également beaucoup aimé. Et la nouvelle Arménie a beaucoup aimé. Oui. Parce que, faut le dire, tu as des origines arméniennes. Ah, il faut le dire, oui. D'ailleurs, t'en parles dans le spectacle. Dites-le bien. Oui, non, c'est vrai. Oui, je parle de mes origines arméniennes par, on va dire, le prisme de mon nez. Ah. Voilà. Un petit peu ton nom de famille. J'ai un petit nez arménien. Oui, et puis alors mon nom de famille, c'est vrai que j'ai pas mal d'Arméniens qui viennent me voir suite au nom qu'il y a sur l'affiche, donc c'est très chouette à la fin, on échange. Mais je raconte en fait que j'ai plus ou moins découvert mes origines arméniennes par mon nez, avec le regard des autres à l'école ou quoi, en fonction des critiques, des machins, des trucs qu'on entend. Et donc voilà, que jusque-là, j'avais pas compris que j'avais des origines. Hein, et j'ai grandi normalement, et puis dès qu'on te fait des petites remarques, j'ai pas le même truc que toi. Mais comment ? C'est bizarre, hein ? D'accord. Bon, très bien. C'est bien. Tu as également un co-auteur et metteur en scène, c'est Francis Magnien. Magnien, oui. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, j'ai écrit mon spectacle pendant un an et j'ai bien pris le temps de savoir ce que je voulais dire. Et suite à ça, je suis allée dans un endroit qui s'appelle le Panam Art Café, qui est dans le 11e, qui est un lieu, c'est un comedy club. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. La salle du bas, tout. Voilà. Exactement. C'est un super lieu. Si vous voulez découvrir la jeune génération qui fait du stand-up, c'est là-bas qu'il faut aller. Et je suis allée un peu traîner là-bas pour rencontrer des gens, et le soir je suis allée voir un spectacle, et Francis était le co-auteur de Tom Villa ce soir-là. Et Tom Villa qui est sur Europe 1 maintenant. Il était sur Europe 1 depuis 2 ans, et là il est chez Ardisson et sur France Inter maintenant. Donc, voilà. Et au Paname, tu peux pas rencontrer un autre Arménien? Mathieu. Bah oui. Il y a Mathieu Madénian qui va souvent jouer là-bas, qui teste ses sketchs. Bien sûr, exactement. Ouais. Oui, je connais un petit peu Paris. Hein. Oh, voilà, répuant. Et le duo fonctionne bien? Le duo fonctionne bien. Ah, il fonctionne trop bien. Franchement, oui, ça a été un gros coup de cœur artistique mutuel, et on a commencé à bosser ensemble, et là on était encore tout à l'heure ensemble il y a 2 heures en train de dire il faut qu'on change ça, il faut qu'on remodifie ça, Et oui, parce que c'est bientôt la reprise. C'est la reprise dans une semaine, et franchement on se régale vraiment, c'est trop un bonheur. Et en 2017 tu seras dans le film Super Z. Alors bah, écoute, on le souhaite, je suis dedans, oui. Est-ce qu'il va sortir Écoute, oui. Tu peux nous faire le pitch, parce que je crois que c'est... Alors c'est un film de zombies. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un film de zombies, et ça va être un peu gore, hein, quand même. Voilà, donc moi je joue la petite paysanne Augustine. Voilà, je suis la petite histoire d'amour du film, on va dire. Donc après je veux pas tout vous raconter, mais c'est une grosse comédie. Si ça va être vraiment. Non, je te dis pas. Ouais. Je ne dis pas ça. Donc voilà. C'est Marion Mésadorian, c'est à partir de vendredi prochain, c'est aux 3 bornes. Vendredi, samedi, j'ai pas dit l'horaire. C'est 20h15. C'est 20h15, comédie des 3 bornes. On se retrouve tout de suite après ça.